certaines citations de Fatima ou de Bukhari au sujet de l'islam qu'elle appelle l'islam étranger. Dans un bon nombre d'entre eux, ce sont des imams qui sont formés à l'étranger, dans les écoles les plus radicales, qui sont payés par l'étranger pour promouvoir au Canada et au Québec un islam de l'étranger. Et c'est ça le danger qui nous guette. Donc là, elle dit que c'est des imams au Canada ou ailleurs sont formés dans les écoles à l'étranger. Mais bien entendu, elle a jamais spécifié de quel pays elle parle ou de quel endroit elle parle, sauf qu'elle dit qu'ils sont formés à l'étranger. Dans des écoles les plus radicales, elle n'a pas défini non plus qu'est-ce qu'elle veut dire par la radicalité. Et elle a dit qu'ils sont formés pour pratiquer un islam de l'étranger et de l'amener ici au Canada pour pratiquer un islam de l'étranger. Mais et Allah, c'est quoi l'islam de l'étranger? Est-ce qu'il y a un islam du Canada qui est un islam de l'étranger? Un islam du Maroc, c'est pas un islam de l'étranger aussi? Un islam de l'Égypte, c'est pas un islam de l'étranger? Ou bien elle parle de ceux qui veulent suivre le Coran et la Sunna et puis elle leur donne ce nom? Ou bien elle pense que c'est le fait, par exemple, de vouloir appeler les musulmans à revenir à l'islam, c'est ça qui fait qu'on est des radicaux et qu'on veut ramener les musulmans à suivre les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que beaucoup de musulmans se sont un peu éloignés, détachés de la religion, et que c'est le rôle des musulmans qui sont conscients de ça et qui ont la connaissance d'essayer de travailler à les faire revenir, à les ramener au droit chemin, de faire le da'wah, c'est ce qu'on connaît, c'est le da'wah, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, juste pour vous donner des exemples, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » Et qu'il y ait parmi vous un groupe ou une partie qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal aux autres. Donc, d'après ce verset, il faut qu'il y ait dans cette nation, dans cette Ummah, une partie de la Ummah qui appelle les autres au bien. Et dans ce verset-là, les ulama se sont basés sur ce verset pour expliquer que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est fard kifaya. C'est-à-dire fard kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation qui est basée sur le fait qu'il y ait un nombre suffisant de musulmans qui l'ont accompli. Par exemple, il y a des choses qui sont fard ou ayn, je pense qu'on avait déjà expliqué ça. Fard ou ayn, c'est une obligation qui est quelque chose qui est obligatoire à chaque individu musulman. Ça, c'est quelque chose comme par exemple la prière 5 fois par jour, c'est fard ayn, c'est obligatoire à tous les individus parmi les musulmans. Toutefois, il y a d'autres obligations qui sont, si, il y a d'autres obligations que si une portion de la Ummah l'ont appliqué, ou une portion des musulmans dans un certain endroit spécifique l'ont fait, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste. Ça devient seulement recommandé de le faire pour le reste. Ça devient comme un acte supplémentaire. C'est plus obligatoire de le faire parce qu'il y a un nombre suffisant de musulmans qui sont en train de le faire. Sauf que si il n'y a pas un nombre suffisant de musulmans qui le font, tout le monde est considéré dans le péché jusqu'à ce qu'il y ait le nombre suffisant pour le faire. C'est ce que ça veut dire quand on dit fard kifaya, le fard kifaya. Ok? Donc, le fait qu'il y ait une force, s'il y a un groupe de la Ummah qui appellent au bien, qui font le da'wah, qui font l'amr bil ma'aruf, qui font le nahi an munkar, eh bien, ce n'est plus obligatoire pour le reste, c'est quelque chose qui reste recommandé de faire. Sauf que, s'il n'y a pas assez de gens qui le font, comme c'est le cas actuellement, alors ça devient une obligation pour tout le monde de développer les conditions nécessaires pour être capable d'appliquer cet ordre dans leur sens. c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal et d'appeler les gens à faire le bien. Hein? Et ça aussi, ça vient expliquer et clarifier comment sont la définition d'un groupe minoritaire dont elle parle. En fait, c'est normal, même dans les sens qu'il y a toujours un nombre minime ou minoritaire qui appelle les gens au bien, alors que la grande majorité, sont dans d'autres activités, qui font autre chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Par exemple, des paysans s'occupent de labourer la terre, d'autres sont occupés par d'autres occupations, le boulanger fait son pain, le pâtissier fait ses, ses pâtisseries. C'est pas tout le monde qui va être des savants ou qui vont avoir le temps de faire le da'wa ou des choses comme ça. Sauf que tant qu'il y a une portion de la Ummah qui vont se charger de cette responsabilité-là, alors Alhamdulillah, ce ne sera plus une obligation pour tout le reste de la Ummah. D'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait un groupe des femmes des musulmans qui s'occupe de faire ça. Et si les musulmans abandonnent ça, alors là, ils seront dans une mauvaise situation. Ils seront maudits par Allah pour avoir abandonné ça. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset dans lequel Allah a dit « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يعملون. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire les gens de Bani Israël qui ont mécru ont été maudits par la langue de Jésus et la langue de David. Isa ibn Maryam et Daoud. Ils ont été maudits. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils ont désobéi. C'est parce qu'ils désobéissaient et qu'ils transgressaient les lois d'Allah. Et après Allah dit, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Ils ne s'interdisaient pas entre eux le mal qu'ils faisaient. La بِئْسَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc ils ont été maudits parce qu'ils transgressaient, parce qu'ils faisaient des péchés et qu'ils ne s'interdisaient pas entre eux de faire des péchés. À cause de ça, ils ont été maudits. Et donc, de David, non. Et donc, c'est un exemple que Allah nous donne pour nous faire comprendre que si nous, on rentre dans cette description-là, c'est-à-dire si on devient comme ces gens-là, on sera nous aussi maudits par Allah. Si on reste ensemble, on fait des péchés ensemble, on s'encourage pas à faire le bien, on s'encourage plutôt dans le mal, alors là, on devient comme les juifs. Et on sera maudits comme on sera maudit, comme Jésus et Daoud, ont maudit ces gens-là. Hein? C'est pour ça que, Allah SWT dit, Al-Munafiquna wal-Munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil-munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf. C'est-à-dire, les hypocrites, hommes et femmes, eh ben, ils sont les uns, ils sont les uns avec les autres, hein. C'est-à-dire ils sont ensemble, ils sont alliés. Awliya ou Ba'd. Ils sont alliés ensemble et ils ordonnent le mal, ils interdisent le bien. Hein. Le contraire des croyants. Ils ordonnent qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est halal et ils l'interdisent. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un ordre au prophète صلى الله عليه وسلم de dire aux gens, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. C'est-à-dire, il ordonne au prophète صلى الله عليه وسلم de clarifier son exemple, de clarifier qu'est-ce que c'est sa voix, qu'est-ce que c'est son exemple. Il dit, dis aux gens, voici ma voix, j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Wa subhanallah, et gloire à Allah qu'il soit purifié, et je ne fais pas partie des idolâtres, je me désavoue de ceux qui font du shirk. Donc ça c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on est vraiment parmi ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit aussi appeler à Allah. On doit appeler les autres à suivre cette voie. On doit appeler les chrétiens, on doit appeler les juifs, et on doit aussi appeler les autres musulmans qui ont négligé, qui ont oublié le message d'Allah. Voilà. Donc il n'y a rien de mal dans ça, du fait qu'il y a ce groupe qui appelle les gens au bien, qui appelle les musulmans à revenir au droit chemin. Aussi, Allah dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum bil lati hiya ahsan » Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec de bonnes exhortations et discute ou argumente avec eux de la meilleure ou de la bonne façon. Et il dit aussi dans un autre verset, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et rappelle aux gens, parce que le rappel est bénéfique pour les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. C'est-à-dire, celui d'entre vous qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change avec sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Ce hadith, ça nous explique les trois niveaux de degré de comment changer le mal. Si tu es capable, si tu as une autorité, tu es capable de changer le mal. Et tu sais que tu ne vas pas créer un mal qui est plus grand en le faisant, alors dans ce cas-là, vas-y, change-le avec ta main si tu es capable. Et si tu n'es pas capable, tu crains que tu vas créer plus de désordre, alors essaie de le changer avec ta langue. Va voir la personne, va voir les gens, interdis-leur de faire ce qu'ils font, dis-leur le hadith, dis-leur le ayat dans le Coran qui prouve que ce qu'ils font est haram, et tu as fait ce que tu devais faire. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, si tu crains qu'en faisant ça tu vas créer du désordre, plus que ce que tu essaies de changer, alors là, tu as fait ce que tu peux. Tu as fait tout ton possible, alors dans ce cas-là, tu dois te limiter à détester ce mal dans ton cœur. Et de souhaiter que si tu étais capable de le faire avec ta main ou ta langue, que tu l'aurais fait. Mais que tu n'as pas la capacité de le faire, donc tu le détestes par ton cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, alors il y a un problème dans ta foi. Si tu n'as pas ce minimum-là du fait de détester, de vouloir changer ce mal dans ton cœur quand tu le vois, alors sache qu'il y a un problème dans ta foi, il y a un défaut dans ta foi. En ce qui concerne le verset que certains mentionnent par exemple et qui disent « La ikraha fi d-din », il n'y a pas de contrainte en religion, et qu'ils se battent sur ce verset-là pour dire « Personne ne peut dire à un autre musulman ou forcer un autre musulman à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire », hein? Alors ça, c'est pas du tout une preuve pour eux. Parce que c'est un verset qui se limite à ne pas forcer un non-musulman à se convertir à l'islam. Mais une fois qu'une personne est musulmane et qu'elle dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle a une obligation de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une obligation pour les gens qui ont une autorité et pour les gens qui sont au-dessus de nous, de nous ordonner à le faire. Et même s'ils sont capables de nous contraindre à le faire. Par exemple, j'entends beaucoup de musulmans de nos jours, surtout ceux qui parlent devant les médias, dire que le hijab c'est un choix et que le mari n'a pas le droit d'ordonner à sa femme ou d'obliger sa femme de porter le hijab. Et ça c'est totalement faux, parce que c'est une obligation pour l'homme d'ordonner à sa femme de le porter le hijab. Hein? S'il ne l'ordonne pas de le faire, s'il n'ordonne pas à sa femme ou à ses proches de le faire, il fait un péché en le faisant pas. Hein? Et donc, c'est sa responsabilité en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que son mari, en tant que père de famille, d'ordonner à ses filles, à ses filles et à ses femmes de porter le hijab. Et si elles ne le font pas, mais c'est de son devoir de les punir parce qu'elles ne l'ont pas fait. Hein? C'est sa responsabilité de faire ça. De la même façon que si tes enfants ou ta fille, ton fils, refusent de faire leur devoir on refuse de nettoyer la maison, de faire le ménage, tu vas les punir. Alors, vous imaginez pour quelque chose qui est encore plus important, parce que c'est un rapport avec leur foi et leur religion, que tu vas les laisser faire ce qu'ils veulent, et que tu vas dire, je vais les laisser libres. Et là, il n'y a pas de contraintes en religion, ça c'est absurde. Mais ça ne fait pas partie d'une bonne compréhension de la religion. Et si on retourne à nos écrits d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre, Usul al-Hukmiyya, j'ai lu dans ce livre-là un certain passage, il a dit que c'est une responsabilité pour le dirigeant des musulmans d'ordonner aux femmes de porter le voile dans la société. Et de punir celles d'entre elles qui sortent d'une façon, habillées d'une façon incorrecte. Hein? Et même que, il a dit que ça peut même aller à la prison pour des femmes qui insistent à sortir toujours sans se couvrir correctement. Et même, il a mentionné que certains savants ont dit même qu'il serait permis de même jeter de l'encre sur leurs vêtements pour les ruiner, hein, pour qu'elles ne puissent plus les porter. Ça, c'est une opinion parmi les savants. Et Ibn al-Qayyim a dit, c'est une opinion qui est correcte, selon lui. Hein. Donc, et ça, bien entendu, c'est pas, je dis ça là maintenant, j'explique ça, mais ça veut pas dire que je dis aux musulmans là de sortir dans la rue et d'aller jeter de l'encre aux femmes et des choses comme ça. Sauf que je dis, ça, ouais, ça l'entendrait beaucoup. Mais là, qu'est-ce que je dis? C'est juste, non, je dis seulement que dans un contexte d'une société musulmane, où il y a un dirigeant musulman qui applique la loi d'Allah et qui juge selon la loi et qui ordonne qui donne à certaines personnes dans la société le rôle ou la charge d'appliquer ces règles-là dans la société, alors ça va être leur devoir à eux de le faire, comme si par exemple le dirigeant musulman peut décider de former dans la société une certaine police qui va s'occuper de faire respecter aux femmes l'habillement islamique. Donc ce sera leur responsabilité. Mais ce sera à eux, ils auront l'autorité et le droit de le faire respecter. Hein, comme ça existe, par exemple, en Arabie Saoudite, ça existait dans le passé, ça existait dans tous les pays musulmans, qu'est-ce qu'on appelle Al-Hizba. Al-Hizba, c'est une police de gestion, si on veut traduire ça d'un sens plus occidental, on dirait que c'est une police de gestion, une police islamique, c'est-à-dire une police qui va s'occuper de faire respecter certains aspects de la loi islamique dans la rue ou dans la société. Par exemple, ils vont passer dans les commerces et ils vont voir s'il n'y a rien qui est vendu, qui est parmi les choses qui sont interdites à vendre. Par exemple, ils vont se promener dans la rue, ils vont voir s'il n'y a pas des hommes qui sont en train d'alcool ou des gens qui sont en train de courir après des femmes ou des choses de ce genre. Ils font respecter la morale islamique dans la société. Et c'est différent que la police civilienne. D'accord? Donc c'est deux polices différentes. Et donc, c'est donc pour vous donner un exemple, pour vous faire comprendre que, l'idée que, il n'y a pas de confusion dans la religion et tout ça, il n'y a pas de contrainte. C'est vrai pour, si on dit qu'un chrétien, on n'a pas le droit de le forcer à devenir musulman. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait au combat contre les gens du livre, il nous a dit, si vous partez combattre ces gens-là, appelez-les à trois choses. Premièrement, appelez-les à devenir musulman. S'ils refusent, alors laissez-les et appelez-les à payer la dizya. S'ils acceptent de payer la dizya, la taxe de capitation, c'est-à-dire la taxe du fait qu'ils ont refusé d'accepter l'islam, donc ils payent la taxe, une certaine taxe, et c'est les riches parmi eux qui payent cette taxe seulement, pas tout le monde, seulement les gens qui sont parmi eux qui ont une richesse, ceux-là ils doivent payer une taxe du fait qu'ils ont refusé de vouloir se convertir à l'islam. Et s'ils refusent la taxe de capitation, la deuxième, alors là, à ce moment-là, ils doivent être combattus. Hein? Donc ça c'est les trois aspects. Et ce verset-là, la Iqra Hafidine, il doit être compris à travers ces versets. Et même que Isa ibn Maryam, Jésus, lorsqu'il va venir à la fin des temps, il va abolir la jizya. C'est-à-dire que, à son époque, à l'époque de Isa, il n'y aura plus cette deuxième option de vouloir payer la jizya pour rester chrétien et vivre parmi les musulmans, pour rester juif. Il y aura seulement les deux autres options, c'est-à-dire devenir musulman ou le combat. Ils auront à choisir entre ces deux-là et ils n'auront pas d'autre option. Donc, ça c'est juste pour faire comprendre qu'encore là, c'est vrai que dans l'islam, il y a pour les chrétiens une certaine possibilité pour eux de garder leur religion comme en restant ahl-ul-zimma, c'est-à-dire des gens qui vivent sous le règne de la charia islamique, en gardant leur religion, mais tout en payant une taxe et en respectant certaines règles et conditions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, par exemple, extérioriser leur religion dans la société. Ils n'ont pas le droit de bâtir de nouvelles églises. Ils peuvent uniquement garder les églises qu'ils ont déjà. Si des églises qu'ils ont tombent en ruine, ils n'ont pas le droit de les réparer. Il y a beaucoup de règles qui ont été établies au temps des Sahaba, lorsqu'ils ont conquéri les pays chrétiens, et qui font partie de ce qu'on appelle Ash-Shurut al-Umariyya, les conditions de Omar ibn al-Khattab qu'il a établi pour les gens de Zimma. Et, bien entendu, ces règles-là sont complètement en désaccord avec la Charte des droits et libertés de l'ONU. Et donc ça révolte les chrétiens et les juifs, et eux, ils demandent aux musulmans de changer ces règles-là et de faire que les musulmans appliquent plus ça. Sauf que, nous, comme on a dit déjà, pour nous, les droits de l'homme, les droits de liberté, on accepte dans ces droits-là qu'est-ce qui est en accord avec l'islam et qu'est-ce qui est en contradiction avec l'islam, on accepte ça. On ne prend pas ces droits-là comme un dogme infaillible et absolu qu'on doit accepter. Non, on prend dedans ce qui est en accord avec notre livre, notre révélation, et ce qui est en désaccord, on le rejette. On ne va pas, mettre quelque chose au-dessus de Dieu. Sixièmement, elle a dit quelque chose devant la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, je sais. Et celle-là, c'était dans le texte que j'ai trouvé sur le site de l'Assemblée nationale directement, mais j'ai pas la citation qu'elle a dit, mais sauf que j'ai la citation écrite, mais pas audio. Et voici ce qu'elle a dit, j'avais voulu clarifier ce point. Elle a dit devant le Parlement ou l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, chaque chose certaine, dans l'islam, il y a 5 écoles juridiques autorisées, 4 sunnites et une chiite, laquelle est accréditée, laquelle sera accréditée au Canada. Donc c'est une question qu'elle posait comme ça, pour essayer de faire croire que ça cause un problème à l'application de tribunal islamique. Il y a 5 écoles, ou il y a 5 madhahib. Elle dit qu'il y en a 5 en fait, il y en a même pas 5. Ça c'est quelque chose que je vais expliquer. Premièrement, quelle est la preuve du Coran et de la Sunna qu'il existe 5 madhahib ou un nombre spécifique de madhahib dans l'islam? Tu peux lire le Coran au complet, du début à la fin, tu peux lire tous les hadiths. Tu ne vas pas trouver un hadith ou un verset du Coran qui prouve qu'il y a 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 20 ou 1 ou 3 ou 4. Il y a un seul madhhab que tu peux trouver dans le Coran, le madhhab c'est-à-dire de suivre Allah et d'obéir à Allah et de suivre son messager. Ça c'est le seul madhhab que tu peux trouver dans le Coran. Il n'y en a pas d'autre. Ni dans le Coran ni dans la Sunna, tu ne vas pas en trouver aucun mot. C'est le seul. Les Sahaba, autant des Sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, combien d'écoles existaient, combien de mazahib existaient à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Chaque sahabi était un imam. Chacun d'entre eux était un imam, un des grands, c'était des savants, des ulama, eux-mêmes. Ils étaient tous des mujtahidoun, ces grands sahabis-là. Et donc, ils méritaient tous d'avoir eux aussi leur madhhab ou leur école. Pourquoi on ne les a pas gardés? Ibn al-Qayyim, dans son livre, I'lam al-Muwaqqi'in, le volume 4, il dit à la fin, vers la fin, il parle de ces questions-là, et il dit, comment ça se fait, subhanallah, qu'on n'a pas préservé le madhhab de Abu Bakr, le madhhab de Omar ibn al-Khattab, on n'a pas préservé le madhhab de Ali, on n'a pas préservé le madhhab de Uthman, on n'a pas préservé les madhhab des grands ulama comme Aisha, comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, on n'a pas préservé aucun de leurs madhhab. Et qu'on a préservé quatre des madhhab des imams parmi des centaines et des milliers d'imams qui étaient aussi grands qu'eux, ou même peut-être même plus grands qu'eux. Hein? Par exemple, tous ces imams, ces quatre imams-là, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, ce sont quatre imams parmi les grands imams de l'islam qu'on aime et qu'on respecte. Mais ces imams-là ont eu des choujours, eux-mêmes ont eu des professeurs, des maîtres. Hein? Et leurs maîtres étaient plus grands qu'eux parfois, plus savants qu'eux, plus respectueux qu'eux, plus proches de l'islam ou plus proches de l'ilm, plus grands dans la science que eux. Et peut-être même parmi leurs élèves, certains d'entre leurs élèves étaient plus grands qu'eux aussi. Hein? Donc, pourquoi on n'a pas préservé leur madhhab? Et c'était quoi le madhhab de l'imam al-Bukhari, celui qui a rapporté le recueil de hadith, de hadith authentique al-Bukhari? Et c'était quoi le madhhab de musulmans? Leur madhhab, c'était le hadith. C'est pour ça qu'on les appelle Ahlul Hadith. Le madhhab de l'imam Ahmed, c'était quoi son madhhab? C'était le hadith. Le madhhab de l'imam Malik, c'était quoi? C'était le hadith. C'était de suivre la sunna, de suivre le Coran et la sunna. Hein? Donc, c'est les élèves de ces fondateurs-là, c'est les élèves de ces imams-là qui ont préservé les opinions de leur chouyour et qui les ont transmis à travers le monde. D'accord? Mais personne parmi les musulmans n'a le droit de dire que de suivre un madhhab en particulier est une obligation pour toute la umma. Ou que yani, c'est quelque chose de farb. Tant qu'il n'y a pas de preuve du Coran et de la Sunna pour dire que quelque chose d'obligatoire, on ne peut pas dire que c'est obligatoire. Hein? Donc c'est ça. Donc le fondement juridique dans l'islam, c'est le Coran et la Sunna avant tout. Hein? Les quatre écoles, premièrement, c'est pas l'imam Abu Hanifa qui a dit je veux fonder une école qui s'appelle l'école Hanafiya. Ou c'est pas l'imam Malik non plus qui a dit je veux fonder Malikiya, ou etc. Et tout de suite. Ils n'ont jamais dit ça de cette façon-là et ça ne s'est pas passé non plus de cette façon-là. C'est sûr que, yani, sur certaines questions, ils ont eu des différences d'opinion. Sur des questions sur lesquelles ils ont interprété certaines choses d'une différente façon, selon les règles qu'ils ont établies, les règles qu'ils ont extraites du Coran et de la Sunna. Toutefois, ces imams-là ont toujours fait attention de rappeler à leurs élèves de ne jamais suivre aveuglément leurs opinions et de toujours s'en retourner aux preuves du Coran et des hadiths, car aucun d'entre eux n'a jamais prétendu être infaillible. Contrairement aux chiites, par exemple, qui eux croient que leurs imams, c'est-à-dire les douze des descendants de Ali, Ibn Abi Talib, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, douze d'entre ces fils Ali, ces petits-fils, ces petits-fils, ces petits-fils, les descendants de Ali, ils croient que douze d'entre eux sont des êtres supérieurs, suprêmes et infaillibles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est. Qui croit à ça? Non, les douze descendants n'ont jamais dit ça. Mais c'est eux qui ont inventé ça et qui croient ça à propos d'eux. D'accord? Donc, ils croient en ça. Et c'est pour ça que dans le madhhab des Shia, madhhab Shia Rafida, un secte rafidiste, ce qu'on appelle Rafida, dans leur madhhab, en premier de tout, comme autorité religieuse, ils mettent leurs imams. Puisqu'ils sont infaillibles, ils connaissent le Coran, ils connaissent les hadiths. Alors, c'est inutile de se retourner au Coran ou au hadith, puisque eux, ils sont infaillibles, ils ont la connaissance absolue de tous les livres religieux, Alors, quand tu lis les livres des Shia et leurs hadiths à eux, c'est « قال l'imam فلان » ou « قال l'imam كذا ou كذا ». Leur fiqh, leur religion, leur règle, dans leur madhhab, tout est basé sur les paroles de leurs imams. Et donc, c'est pour cette raison-là que les savants de l'islam n'ont pas considéré leur madhhab comme étant un des madhhab de l'islam. Parce que tous les autres imams de l'islam, pas juste les quatre les plus connus, mais tous les autres imams, à l'époque des imams, et avant et après, ont toujours placé en premier de tout le Coran et la Sunna. Il n'y en a aucun d'entre les imams qui vont dire, non, il y a quelque chose qui vient avant, contrairement au Shia Rafida. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer ces gens-là ni comme musulmans, ni comme étant un madhhab accepté dans l'islam. D'accord? Et pour répondre à la question, au sujet de Fatima Yani, en réalité ce n'est pas une question compliquée, lequel d'entre ces quatre on va appliquer? C'est qu'en réalité le commun des musulmans, chacun des communs des musulmans, n'a pas d'appartenance par rapport au madhhab. Il est sur l'école, il est sur le madhhab de celui qui répond à sa question. Donc si la personne qui lui répond, qui pose la question à un savant, n'a pas comme devoir de demander à ce savant, est-ce que tu es Hanafi, ou est-ce que tu es Maliki, ou est-ce que tu es Shafi'i. Son devoir c'est de lui demander, Allah il dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, alors tu dois demander au savant, peu importe son madhhab. Et aussi de lui demander de clarifier sa preuve. C'est quoi la preuve de sa position? Tu as le droit de lui demander sa preuve. Hein? Alors c'est ça qui est important. Alors peu importe de quel madhhab le savant fait partie, il doit faire une fatwa et répondre selon le Coran ou la Sunna. Hein? Et c'est un peu comme par exemple avoir un médecin qui est gradué de McGill, et un autre qui est gradué de l'Université de Montréal. Les deux sont des médecins, peu importe l'école. Si tu vas voir le médecin, est-ce que tu vas demander au médecin, je m'excuse, mais de quelle université tu as eu ton diplôme? Est-ce que tu vas commencer à poser ces questions-là au médecin? Bien entendu, non. Et le médecin, lui, il doit respecter certaines règles de médecine qui sont appliquées à tous les médecins. Et s'il te donne un médicament, une prescription, c'est possible qu'il se trompe dans son diagnostic, et c'est possible qu'il fasse un bon diagnostic. Hein? Donc, c'est la même chose pour les savants de l'islam. Hein? Donc, c'est de la même façon. Donc, la réalité de ce point-là, donc, qu'elle a mentionné, ce n'est pas du tout un problème sur le plan de l'islam. Donc, maintenant, on va écouter la septième. Citation, et c'est l'avant-dernière, Inch'Allah, qui reste pas beaucoup. Et puis, après ça, ben, on pourra passer aux questions qui nous restent. Septième citation. Dans cette description du divorce dans la charia. Ouais. Mais vous savez comment se fait le divorce, c'est dans la charia, parce que je ne l'ai pas dit à ça, mais tout le monde le divorce, il y a trois façons de divorcer. D'abord, par la répudiation. C'est la forme la plus commune. C'est-à-dire que le mari peut déclarer trois fois, je te divorce. Et c'est chose faite. On n'a pas besoin du consentement de la femme, elle n'a même pas besoin de l'informer, il passe généralement chez le AAD, le juge musulman, et il va lui écrire un papier de divorce. S'il est assez gentil, il peut en envoyer une copie conforme à sa femme. Sinon, elle peut attendre, elle n'a pas besoin de le savoir. Ici, les imams qui n'ont pas autorité de juge, qui n'ont aucune compétence reconnue dans ce domaine, nous disent à l'écran, à la télévision, qu'ils font ça. Et donc, en même temps, dès que le mari se libère par cette façon-là de son premier mariage, il peut épouser une autre. On est quasiment dans une situation de polygamie. Ils le disent eux-mêmes. Alors, ils ont déjà commencé à poser ces gestes-là. et ils veulent nous mettre devant le fait accompli, ils nous disent reconnaissez de facto une situation qui existe déjà. Et en plus de ça, nous, on veut juste encadrer la pratique, on veut l'institutionnaliser. Je regrette, on ne peut pas accepter au Québec et au Canada l'institutionnalisation de la discrimination. Alors, donnons-nous un exemple pour comprendre pourquoi est-ce que je me pose à l'application de la charia. Selon la charia, le divorce, par exemple, est accordé à l'homme seulement. C'est l'homme qui initie le divorce. Et ils le disent, eux, dans leur déclaration, j'en ai plein, le divorce est un droit divin accordé à l'homme. Oh. Okay. Comment est-ce que l'homme musulman peut divorcer? Il va divorcer sa femme, qu'elle soit musulmane de religion ou non musulmane. C'est-à-dire, s'il est marié avec une Québécoise ou une Canadienne qui n'est pas musulmane, c'est la même loi s'applique à elle. Et qu'est-ce que c'est que le faire? Bon. Premièrement, par répudiation. C'est la façon la plus commune. Et il peut dire trois fois, je te divorce, je te divorce, je te divorce, etc. Il peut voir ici un imam, par exemple, et soi-disant ce que le Brunei appelle le leader spirituel, qui le divorce. Et en même temps, il le remarie. Donc on est de facto dans une situation de polygamie. Donc, subhanallah. Fatima, elle a expliqué comment le divorce se passe dans l'islam. Elle dit qu'il y a trois façons. La première façon, c'est la répudiation. Et elle dit sa façon, la façon dont elle a expliqué, c'est pas correct du tout. Mais elle veut faire comprendre, premièrement, que dans l'islam, le divorce est une question très facile. Qu'un homme peut divorcer selon ses humeurs, et il peut dire n'importe quoi comme ça y est, le divorce, c'est fini. Et il n'est même pas obligé de lui dire. Il peut le faire à distance. Il peut lui envoyer même une lettre. Juste le divorce. Ok. Premièrement, le divorce dans l'islam est permis, contrairement au christianisme. Dans le christianisme, peu importe avec qui tu es marié, tu ne t'entends pas avec ta femme, ça va très mal, vous n'avez rien en commun, vous vivez toute votre vie, même si vous vivez, par exemple, dans deux chambres différentes, et que même séparément, soit tu vis ici dans ton appartement, puis ta femme dans un autre appartement pendant 10 ans, vous n'êtes pas vu, vous parlez, vous communiquez, bon, là il peut y avoir, ils peuvent se divorcer civilement, mais ils peuvent rester comme ça, puis ils sont encore considérés mariés, ils n'ont pas le droit de se divorcer selon la religion chrétienne. Et s'ils se divorcent civilement, c'est pas reconnu. Leur divorce n'est pas reconnu. Donc ils ne peuvent pas se remarier parce que leur premier mariage reste. Donc s'ils se remarient, ça veut dire qu'ils font l'adultère dans le christianisme. Alors dans l'islam, la religion qui est en accord avec la nature humaine, elle a permis dans certaines situations où c'est nécessaire que l'homme et la femme se divorcent. Quand le fait d'être ensemble est plus nuisible à l'homme et à la femme que de se séparer, alors pour eux c'est mieux dans ce cas-là d'arriver à se séparer. Bien entendu, ça c'est après avoir fait plusieurs tentatives de réconciliation avec des parents, avec des amis, entre nous, essayer de régler le problème. Mais lorsque tout ça a été essayé et que rien n'a réussi, alors là dans ce cas-là, Yannick, c'est permis de divorcer. Et juste pour mentionner en passant, c'est que au Québec, la première loi du divorce, elle a été rédigée en 1968. Ça fait seulement 37 ans qu'il y a une loi au Québec qui existe pour le divorce. Avant ça, ça n'existait même pas. Et il existe aussi dans le christianisme un certificat dans la religion catholique qui s'appelle le certificat de nullité de mariage. Et ça vient pour dire que le mariage n'avait pas été valable depuis le début. Mais c'est pas un divorce. Et c'est selon certaines conditions et il faut payer comme une grosse somme d'argent à l'église pour ça. Puis il y a beaucoup de règles. Donc, pour continuer, je dis, nous vivons dans un pays où les musulmans, ils n'ont pas de famille souvent. Ils ne sont pas avec leur famille. Ici, on est souvent des familles isolées, des gens isolés. On se marie, et puis c'est pas toujours facile de trouver des gens pour nous aider à régler nos problèmes familiaux. Aussi, on a des discordes. dans, entre époux ou dans quelques nations. Ouais. Tandis que si on était dans nos pays respectifs, dans les pays musulmans, et qu'on est entouré de nos proches et de notre famille, on peut toujours trouver un moyen de trouver des gens qui vont nous aider à passer par-dessus nos différents et nos épreuves. Donc ça c'est une raison. Et comme j'ai expliqué, à la fin, si toutes les tentatives qu'on a essayé de faire pour la réconciliation ont échoué, alors là, Allah a permis qu'on se divorce. Madame Fatima a fait une erreur en expliquant que l'homme doit dire trois fois « je te divorce » ou « antifale ». Selon la sunna, c'est uniquement une seule fois qu'on doit déclarer le divorce. Une fois, tu dis « je te divorce » une fois, pas trois fois. Si tu le dis trois fois, c'est considéré comme une bid'a, une innovation. Hein? Et encore là, c'est pas aussi simple que Fatima essaie de nous le faire croire. Hein? Il y a eu une différence d'opinion entre les savants. Est-ce que si une personne prononce trois fois le divorce, est-ce que ça devient un divorce définitif que tu ne peux plus la reprendre après? Ou bien est-ce que ça compte pour un seul divorce? Et ça, il y a eu une différence là-dessus. Et l'opinion qui semble être plus claire, c'est celle qui dit que ça compte pour un seul divorce. Sauf que c'est un péché de déclarer trois fois le mot de ce divorce dans le même moment, pour le dire une seule fois. Et il y a des conditions à respecter pour que le divorce soit valable. C'est pas vrai que tu peux dire n'importe quand tu veux, comme tu veux, je te divorce à ta femme, ça y est, c'est fini. Non. Il y a des conditions à respecter. Il y a deux conditions à respecter. Premièrement, le divorce ne peut pas être déclaré durant les règles de la femme. Si elle a ses menstruations, la femme, t'as pas le droit de la divorcer. Si quelqu'un déclare le divorce à sa femme, alors qu'elle a ses menstruations, le divorce n'est pas valable. Ça, c'est selon certains parmi les savants. Il y en a parmi eux qui considèrent que c'est valable, malgré qu'ils disent que c'est une sorte de bid'a. Ils disent qu'il est bid'a, sauf qu'ils disent qu'il est valable, mais qu'il est bid'a. Ils appellent ça « as-salat al-bid'i ». Et d'autres savants, en se basant sur les hadiths et en se basant sur des arguments, ils ont expliqué que s'il est bid'i, il n'est pas valable. Premièrement parce que la bid'a elle-même, elle est rejetée. مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْنِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose dans cette religion-là qui n'en fait pas partie, elle est rejetée. Donc, comment on pourrait dire que le divorce bid'i est valable? Ce serait quelque chose contraire et aux preuves. Et il mentionne d'autres exemples, comme on va mentionner dans le hadith de Ibn Omar. Lorsque le fils de Omar ibn al-Khattab a divorcé sa femme, il l'a divorcé durant ses règles. Alors, c'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ibn Omar et lui a dit, reprends-la et attends qu'elle se purifie. Et lorsqu'elle sera purifiée, c'est-à-dire après ses menstruations, là tu pourras la divorcer et là tu attends l'idda, la période d'attente. Qui est trois périodes de purification. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné. Donc, dans ce hadith, on a une preuve qui montre que le fait d'avoir divorcé sa femme durant ses règles, ça n'a pas compté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de la reprendre. Et ça, c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim, et il est peut-être aussi même dans Al-Bukhari, mais moi je l'ai lu personnellement dans Sahih Muslim. Et la sagesse dans cela est que les rapports sexuels sont interdits durant l'émancipation de la femme. Donc, si un homme est en colère contre sa femme durant ses règles, il pourrait être poussé de vouloir la divorcer durant cette période-là, tandis que s'il n'avait pas ses règles et qu'il avait la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec elle, ça pouvait régler beaucoup de la dispute. Et la colère de son mari pouvait s'en aller très rapidement. Donc ça c'est une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa sagesse, il a fait que il y a des règles qui viennent limiter la possibilité du divorce. C'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. C'est pas juste quand tu es en colère après ta femme, si tu veux la divorcer, tu la divorces comme ça. Non. Il faut pas qu'elle soit dans la période de ces règles. Et ça, c'est pas tout. Il y a une autre condition. C'est que il ne doit pas la divorcer après ses règles, après qu'elle se soit purifiée de ses règles, lorsqu'il a eu des rapports sexuels avec elle. C'est-à-dire, s'il a été purifié et qu'il a eu des rapports sexuels avec elle, là, il n'a plus le droit de la divorcer jusqu'à qu'elle ait eu une autre règle et qu'elle se soit repurifiée encore une fois. À ce moment-là, il n'a pas de rapport sexuel avec elle, là, il peut la divorcer. Mais s'il la divorce après avoir eu des rapports sexuels avec elle, ça compte pas non plus. Ok. C'est que la femme, elle a eu ses règles. Il ne peut pas la divorcer. Mais là, ses règles sont terminées. C'est purifié. Et là, il a eu des rapports sexuels avec elle. Et là, le lendemain, il dit, ah, là, je vais la divorcer maintenant. Il n'a pas le droit. Parce qu'il a eu des rapports sexuels avec elle. C'est pas, s'il la divorce après avoir eu des rapports sexuels avec elle, c'est pas valable. Il faut qu'il attende à la prochaine période de pureté. Hein? Donc, ça vient encore là, forcer l'homme, il doit attendre. Il peut pas dire, je vais la divorcer comme je veux, quand je veux. Il y a des règles à respecter, à suivre. Et le but de ça, c'est pour faire comprendre que, durant le temps qu'il va, attendre, il va peut-être trouver des moyens de se réconcilier avec sa femme. Il va trouver, faire peut-être même, il va trouver à s'entendre avec elle et à cesser la dispute. Hein? Et donc, ça c'est une autre condition. Et encore là même, c'est pas fini. Parce qu'après qu'il a déclaré, il a dit, ah, tu parles une fois, il a dit, je te divorce. Il doit attendre une période de 3 mois, hein, en général, selon les différents cas. Elle doit attendre, c'est ce qu'on appelle la idda. Elle doit attendre 3 mois, la femme. Et durant cette période-là, elle reste encore sous la charge de son mari. C'est à lui de veiller à elle économiquement. Et elle n'a pas le droit de partir de chez lui. Et il n'a pas le droit de la chasser. Elle doit rester dans sa maison jusqu'à la fin de sa période, de sa idda. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Talaq, le verset du divorce, du haut prophète, Ya ayyuha al-nabiyyu, idha tallaqtum al-nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna, wa ahsul idda, wa attaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna, wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque, cependant, transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Donc, on voit dans ce verset-là la sagesse même du fait qu'il y ait une idda. C'est-à-dire, la tadrila allallah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tu ne sais pas si après cela, Allah va faire venir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, parce qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, durant ces 3 mois d'attente, la femme est commandée de se faire belle, de rester dans la maison, d'essayer d'attirer son mari pour qu'il soit tenté de revenir. Elle ne doit pas se voiler devant lui. Hein? Et puis aussi, il y a 2 moyens là, durant ce, si c'est la première fois qu'il a déclaré le divorce, il a le droit de la reprendre. Ça s'appelle talaq yani raj'i. Dans ce cas-là, c'est, elle est, dans, il y a une possibilité qu'il la reprenne. Soit, s'il a des rapports sexuels avec elle, donc, c'est, le divorce est annulé. Si son intention, il y a quand il fait ça, automatiquement, c'est comme s'il l'a repris. Ou bien, il peut le déclarer, le dire, par exemple, je la reprends, c'est-à-dire. C'est pas nécessaire qu'il ait voir un imam. C'est ça l'affaire. Et subhanallah, elle a dit dans son exemple que il doit aller voir un imam ou qu'il doit écrire un papier de divorce. C'est pas nécessaire. C'est même pas une condition. Sauf que certains savants ont dit qu'il doit informer une personne qu'il l'a divorcé une fois. Comme ça, si jamais il y a un problème, on sait, par exemple, parce qu'on sait qu'après la deuxième fois qu'il la divorce, il peut encore la reprendre, mais s'il déclare le divorce après une troisième fois, là c'est talaq da'im. C'est-à-dire là, il ne peut plus la reprendre. Après, c'est la dernière fois qu'il avait comme chance, et puis là, la seule façon qu'il pourrait la remarier, ce serait si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle se marie avec quelqu'un d'autre, et qu'il la divorce, cette personne la divorce, et là qu'il a envie de se remarier avec elle, seulement après ça, il peut se remarier avec elle, mais sinon, il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Il ne peut plus la reprendre. D'accord? Donc, pas besoin d'avoir un imam. Pas besoin d'avoir un juge ou quoi que ce soit pour se lancer dans le plan. Hein? Donc, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'elle dit, ça n'a pas rapport. Hein? Donc, comme j'ai expliqué, c'est ça. Et puis on voit comment la façon dont elle l'a expliqué, subhanallah, c'est comme si elle veut se moquer du divorce en islam. Et c'est comme si elle dit la raison pourquoi je suis contre l'application de la charia, c'est parce que en islam c'est l'homme qui a le droit du divorce. Subhanallah, c'est pas une chose que les hommes ont décidé, c'est une chose qu'Allah a décidé que ce soit comme ça. Donc, à qui elle conteste? Qu'est-ce qu'elle conteste à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors dans ce cas-là, elle n'est pas une croyante. Un croyant ne conteste pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a prescrit comme règle et comme loi. D'accord? Et la dernière citation. Ah, la question, est-ce que la femme a le droit de demander le divorce? Le droit de divorce, ça appartient uniquement à l'homme. Si la femme demande à son mari de le divorcer, ok, eh bien, si... Par exemple, elle demande le divorce. Il y a une forme de divorce qui s'appelle al-khula, c'est-à-dire l'annulation, de demander l'annulation du mariage en échange du mahar, en échange du cadeau de mariage. C'est-à-dire, la femme, elle dit, ok, divorce-moi, en échange, je te donne ton mahar. Qu'est-ce que tu m'as donné comme cadeau de mariage, je te le redonne. D'accord? Ou contre une somme d'argent. Et puis, si l'homme refuse, eh bien, elle a le droit d'aller voir le juge. Et puis, lui, le juge va forcer l'homme à déclarer le divorce. Mais dans tous les cas, c'est toujours l'homme qui divorce. Sinon, le juge va forcer l'homme à la divorcer. Sinon, il va déclarer le mariage comme étant nul. Ou quelque chose comme ça. Dans le divorce, c'est pas nécessaire d'avoir l'intention. Si tu déclares le divorce, même si tu le dis en jouant ou pour t'amuser, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des choses sur lesquelles on peut pas se moquer, et parmi ces choses-là, il a mentionné qu'il y a le divorce. Donc, c'est pas mentionner le divorce ou jouer avec le divorce ou dire, pour le fun, comme pour s'amuser, si je te divorce, des choses comme ça, ça compte. Donc, il faut faire attention. Ouais, c'est vrai. On voit que. c'est ça. Les musulmans, étant donné qu'ils ne connaissent pas les règles de l'islam sur le droit, ils divorcent n'importe quelle façon. Donc peut-être qu'elle se référait à ce que ces gens-là font, pas aux règles de la charia ou à la sunna en ce qui concerne le divorce. Mais ces choses-là reviennent toujours à la connaissance. Le problème, c'est donc qu'on doit éduquer les musulmans, on doit leur enseigner la sunna. C'est pas de critiquer la charia dans ce cas-là. Et si elles font ça parce qu'elles pensent de cette façon-là, parce que à cause de ce qui est appliqué par les musulmans, ce qui est fait par les musulmans dans le monde aujourd'hui, eh bien, si elle attaque la charia pour cette raison-là, alors elle s'est trompée de problème. Elle a attaqué la mauvaise chose, là. On doit attaquer l'ignorance, on ne doit pas attaquer la charia. Hein? Et puis, comment je pourrais dire? Subhanallah, imaginez, Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui-même, il avait pas compris comment faire le divorce. Alors imaginez d'autres personnes qui sont moins que lui, moins savants que lui. Et même au temps de Omar ibn Khattab, avant qu'il meure, les gens ont demandé à Omar, Omar, est-ce que tu veux pas qu'on mette ton fils parmi ceux qui pourraient être le calife et après sa mort? Il a dit, je ne veux pas mettre calife à quelqu'un qui ne peut même pas divorcer sa femme. On a dit, il n'a même pas su comment divorcer sa femme, comment il pourrait être le khalifa des musulmans. C'est pour montrer comment Omar ibn Khattab était très dans les questions religieuses. Pour finir, c'est juste une parenthèse, là, c'est juste pour mentionner un fait. Puis j'ai enregistré cette partie juste pour vous donner un exemple. Vous allez voir, Inch'Allah. Quelle citation au sujet de Ariana Wadda. Cette langue de cet an, merci beaucoup d'avoir fait cette émission ce matin et d'avoir fait ce que vous avez fait. J'entendais Joël Desbigois cette semaine dire que vous étiez sa nouvelle héroïne. Je pense que dire que pour plusieurs maçons, Madame Tatina Oudapétain, qui, avec la députée PP de Carbone, Justine Caron, a piloté cette résolution adoptée par l'Assemblée nationale qui s'oppose à l'implantation des tribunaux islamiques au Québec et au Canada. Elle est députée libérale de la Pinière au Québec. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu expliquer en faisant ce passage, c'est l'attitude de Fatima vis-à-vis des non-musulmans et c'est l'attitude des hypocrites lorsqu'elle prend pour allier les non-musulmans contre les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette attitude-là dans le Coran, dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab » N'as-tu pas vu ceux qui sont hypocrites, hein, ceux qui ont fait l'hypocrisie. Ils disent à leurs frères parmi les mécréants des gens du livre. Donc, c'est une partie de du verset. Si vous continuez le verset, vous allez voir le contexte, ça a rapport avec ça aussi. C'est que, Allah les a appelés leurs frères. يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. Donc ça nous montre que les hypocrites sont des frères des mécréants, des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Il y a ce lien-là entre eux de fraternité. Après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Donc dans ce verset-là, dans sourate Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, oh les croyants, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. Hein? Mon ennemi est le vôtre. Ne prenez pas pour ennemi mon allié et le vôtre. Pardon, pour l'instant. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Donc, il y a le fait de prendre, d'offrir l'amitié et de, d'aimer les amitiés non-musulmans là et de les prendre pour allier contre les musulmans, ça c'est un signe de l'hypocrisie, c'est un signe qu'on a fait quelque chose qui est contraire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'en a dit dans une autre ayat, « Ya ayyuha allazina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya ou ba'd, ba'duhum awliya ou ba'd, wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin, fatara allazina fi qulubihim maradun, yusari'una fihim, yakuluna nakhsha an tusibana da'ira. » C'est-à-dire, Allah s'en a dit, « Oh les croyants, ne prenez pas, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il fait partie d'eux. Il est un de leurs. Alayhi salam. Allah ne dit pas les peuples pervers. Mais tu vois une partie d'entre eux, comme les hypocrites, qui ont une maladie dans leur cœur, ils se précipitent vers eux. Et ils disent, nous craignons qu'un revers de fortune nous atteigne. C'est comme si on a peur que quelque chose de mal arrive. Alors là, si on est, si on est avec eux, on est allié avec eux, donc ils vont pas nous mettre avec le reste des musulmans. Ils vont nous traiter d'une façon privilégiée parce qu'on les a aidés. D'une certaine façon. Donc ça c'est ce que les hypocrites ont dans le cœur. Et Allah dit dans une autre aïe, وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dans ce verset-là, Allah SWT dit clairement, annonce aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Est-ce qu'ils recherchent auprès d'eux la puissance, alors que la puissance appartient tout entière à Allah SWT, et Allah SWT a fait descendre sur vous dans le livre, que lorsque vous entendez que les versets d'Allah sont reniés et qu'on s'en moque, ne vous assoyez pas donc avec ces gens-là, qui font ça jusqu'à ce qu'ils discutent d'une autre chose, qu'ils changent de sujet et qu'ils essaient de se moquer, sinon vous seriez comme eux. Et Allah ta'ala va rassembler les hypocrites et les mécréants dans l'enfer ensemble. Et dans ce verset-là, lorsque dans ces versets-là, tout ce qu'on vient de mentionner là, le fait de prendre les non-musulmans pour alliés, c'est-à-dire de les aimer de notre cœur et de les aimer pour leur mécréance, de les aimer pour leur mécréance. C'est pas, par exemple, le fait que tu as des relations avec eux commerciales ou professionnelles. De ces choses-là, mais que tu, dans ton cœur, tu es conscient que ce sont des kuffars, mécréants, et qu'ils ont une fausse religion, une fausse croyance, et que tu les détestes pour cette croyance. Donc ça, dans ce cas-là, c'est pas une forme d'alliance, de voilà qui fait que tu es mécréant. L'alliance qui fait que tu es mécréant, c'est si tu les aimes et tu t'allies à eux parce qu'ils sont mécréants, et que tu les aimes pour leur mécréance. Dans ce cas-là, c'est en dehors de l'islam. Et ça, c'est le cas. Quand quelqu'un dit qu'il prend pour allier les non-musulmans et qu'il préfère leurs lois par-dessus les lois d'Allah et qu'il préfère mettre la charia en dessous et que la charia est discriminatoire ou injuste, ou qu'elle est barbare ou rétrograde, ou du nom des affaires de ce genre. Ça, c'est une forme de wala qui part du cœur, qui est basée sur le fait qu'on accepte et qu'on aime la mécréance. Donc ça, c'est une forme de wala qui nous fait sortir de l'islam. Mais dans certaines autres formes de wala, ça ne fait pas sortir de l'islam, comme par exemple si le fait qu'on soit ici au Canada, en train d'étudier, de travailler avec les non-musulmans, hein. C'est sûr qu'il y a une forme de wala là-dedans, parce qu'on augmente leur nombre, hein. Sauf que ce n'est pas une forme de wala qui nous fait sortir de l'islam, puisque dans notre cœur, on est musulman, on croit en la supériorité de la charia, on croit en l'islam, et on est conscient que ces gens-là sont des ennemis d'Allah, ou qu'ils sont éloignés d'Allah, ou qu'ils sont en dehors du droit chemin, et on les déteste pour ça, dans ce sens-là. Mais ça ne nous empêche pas de leur faire du bien. Si il y a une fois qu'il y a une de leur faire du bien ou d'être gentil avec eux, comme Allah SWT a dit dans le Coran, لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc Allah SWT a dit dans le verset, dans la sourate Al-Mumtahana, Allah SWT ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste et d'être gentil envers ceux des mécréants qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Il ne vous interdit pas ça. Allah aime les justes. Donc d'être juste envers eux, d'être bon envers eux, gentil avec eux, de les appeler à l'islam, de leur donner le da'wah, de leur faire transmettre les bonnes paroles, de leur montrer le bon exemple, tout ça c'est obligatoire pour nous ici, même si on les déteste dans notre cœur pour leur mécréance. Sauf que, il y a ça, puis il y a le fait de les préférer aux musulmans, et de mettre la parole du kuffar au-dessus de la parole d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ou le fait de les prendre pour amis ou alliés, en dehors du musulman, ça, c'est tout à fait différent. Et c'est ce que Fatima et les laïcs et les démocrates de sa catégorie ont fait. Donc, j'espère qu'après ce qu'on vient de mentionner aujourd'hui et hier, Inch'Allah, il y a une clarification suffisante de la position de l'islam vis-à-vis de ces gens-là, et que ça va nous servir, Inch'Allah, pour nous éclairer dans notre façon de voir les événements qui se produisent maintenant sur le plan de l'aqidah, par rapport à la foi islamique. Comment ces questions-là ont un rapport avec la foi islamique? Parce que, comme vous avez pu remarquer, j'espère que j'ai uniquement discuté des sujets qui ont un lien avec la croyance islamique. Mais les autres sujets, ça m'intéresse pas du tout. Ni de savoir des choses sur elle ou autre chose. C'est pas ça le point ou le but. Le but, c'est uniquement de comprendre et de savoir qu'est-ce que dit l'islam sur ce sujet-là. Et c'est quoi la position de l'aqida vis-à-vis de la sharia, et que c'est une obligation pour tous les musulmans de croire en ça, de croire en la charia, et de croire que c'est obligatoire de l'appliquer, et pas que c'est quelque chose d'optionnel, ou qu'on peut en accepter une partie et rejeter qu'est-ce qu'on n'aime pas dedans, ou des choses de ce genre-là. Donc, que Allah nous fasse parmi les gens qui écoutent la parole et qui le meilleur dans cette parole. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Si j'ai dit quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna dans ce que j'ai dit, eh ben, je demande au frère de me donner une marquiha, de me corriger dans ces choses-là, et de m'indiquer la vérité, inshallah, si on s'encourage tous, si ibn Allah, dans le birr wa taqwa, et dans le khair, inshallah. بارك الله فيك جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك